On t'embrasse, on te dit à demain. Ciao. Je vous apporte les cadeaux demain, ciao. Ah ouais. Bonjour à tous, bon mercredi. Et il est 6h, bon réveil sur RTL2. Et avant d'écouter LSD et Genesis, voici vos infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Cinquième jour de mobilisation des Gilets jaunes. Les blocages et les barrages filtrants doivent se poursuivre ce matin. Hier, le gouvernement a dénoncé la radicalisation et la dérive du mouvement. Depuis samedi, 530 personnes ont été blessées, 2 sont mortes. Un motard percuté par une camionnette qui tentait d'éviter un barrage dans la Drôme a succombé à ses blessures dans la soirée. L'île de la Réunion, elle, fait face à une flambée de violence. La mobilisation a dégénéré, magasins pillés, voitures incendiées. Automobilistes caillassés, plusieurs policiers ont été blessés à tel point qu'un couvre-feu a été décrété. Un an et demi de prison ferme, c'est ce qui a été requis hier à Saint-Étienne à l'encontre d'un ancien prêtre de 85 ans. Régis Perard comparaît pour agression sexuelle sur mineurs. Des dizaines de victimes présumées l'accusent de pédophilie. L'ancien curé ne nie pas les attouchements mais conteste les viols. Le jugement sera rendu le 21 décembre. Et à noter que demain, la justice rendra sa décision dans une autre affaire de pédophilie, cette fois à Orléans. Un nouveau binôme à la tête de Renault. Philippe Lagayette et Thierry Bolloré prennent provisoirement la direction du groupe. Carlos Ghosn, qui est toujours en garde à vue au Japon pour des soupçons de fraude fiscale, reste le PDG de la marque aux losanges le temps de l'enquête. En revanche, Nissan devrait le limoger dès demain lors d'un conseil d'administration. 144 000 euros reçus par chèque, virement ou bien par paiement électronique. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour identifier l'origine de ces dons reçus l'an dernier par La République En Marche. La justice cherche à identifier le ou les donateurs afin de vérifier qu'une même personne n'a pas dépassé le plafond autorisé pour les versements à des partis politiques. Plafond fixé à 7 500 euros. Les sports avec en football une victoire hier soir pour les Bleus. Hein. Les champions du monde finissent l'année sur un succès. Ils ont battu l'Uruguay en amical 1-0 sur un pénalty d'Olivier Giroud. Une rencontre marquée par la sortie de Kylian Mbappé blessé après une chute, de quoi inquiéter le PSG à une semaine d'un match capital face à Liverpool. D'autant que Neymar, qui jouait contre le Cameroun, a lui aussi été sorti en raison d'une gêne à l'adducteur. La météo ce matin, à l'exception de l'Alsace où l'on attend des éclaircies, le temps restera perturbé du nord-est au centre-est du pays jusqu'au pourtour méditerranéen. Sur l'est du Languedoc et en région PACA, les pluies seront encore soutenues, parfois orageuses sur la côte d'Azur, même chose en Corse. Il neigera faiblement au-dessus de 1500 mètres sur le relief alpin. Sur la moitié ouest du pays, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Attention aux gelées et aux brouillards givrants ce matin. Les températures, moins 2 degrés pour les minimales à 10 Nantes, 0 à Paris, 1 au Touquet et à Lunéville, 10 au Gros-du-Roi, 11 à Bastia. L'après-midi, on attend 5 à Mulhouse, 6 à Lille, 8 à Nevers et 12 à Mont-de-Marsan. 6h02, c'est le double expresso RTL2 qui démarre. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Et puis bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Il y a Max aux réseaux sociaux, il y a ouais. Jonathan O'Donnell également qui est là et Jérémy à la réalisation. Oui. Salut Clara et Jules, ça va, t'es en forme ? Je suis en forme, oui, ça va. Je suis en forme. C'est Genesis. Checking everything is in place. You never know who's looking. Phil Collins, c'est le groupe Genesis, I Can Dance sur RTL 2. Grégory Achère et Justine Salmon. Avec le double expresso RTL 2. Et bon début de journée, on est mercredi aujourd'hui, c'est le 21 novembre qui s'ouvre à vous, 464e édition du double expresso RTL 2. T'as passé une bonne soirée, Justine ? J'ai passé une soirée très agréable, et toi, Greg ? J'ai dormi. À nouveau tôt, je sais, j'aimerais bien vous trouver un truc chaque matin un peu original, mais je ne termine pas les matchs de foot ou les films en ce moment. Bah je ne termine pas. Je me mets dans le. Je dors. Voilà, je roupille. Ah, moi, pour une fois, non, je suis sorti un petit peu quand même. Ah, non, moi, je sombre, mais alors. Pour une fois, je suis sorti un petit peu. Oui, c'est vrai, j'avais pas relevé, t'as raison. Pour une fois, mercredi, je me suis sorti un petit peu. Un mardi soir. Ouais, c'est pas faux. Journée mondiale de la télévision aujourd'hui. Si vous croisez un Rufus, vous lui souhaitez sa fête, parce que c'est la Sainte Rufus. Et puis alors, c'est drôle parce que c'est un 21 novembre que Demi Moore et Bruce Willis. Oui. Se marier. Ah, bah, je pensais que vous alliez pouvoir terminer. Ah, non, non. Et bah, Ashton Kutcher avait 9 ans. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Oh, mais, écoute. Je constate. Ils ont grandi après. Ah oui, ça, ils ont grandi. Ça, je peux te confirmer qu'ils ont grandi. Évidemment, il y aura l'info expresso. On va parler shopping ce matin dans l'info expresso. Il y aura l'horoscope, le winner du jour et le tube de la brosse à dents RTL 2. Ça te va ? C'est un bon planning ? Ça me va. Écoute, bah, et puis heureusement, hein, parce que j'ai pas le choix. Oui, en fait, on va faire comme ça. Et puis le son pop rock de LSD sur RTL 2. Bonjour. It is one. À Santa Claus dans le double expresso RTL 2, 6h10. Je vous parlais de shopping pour l'info expresso. Oui. Bon, bah en fait, vendredi, qu'est-ce que c'est vendredi ? Black Friday. Ouais, Black Friday. Point pour Jonathan. C'est vrai, ouais, enfin. T'aurais pu dire aussi c'est bientôt le week-end, mais non, effectivement, c'est le Black Friday. Et on sait déjà ce que vous allez acheter avant vous. Je sais ce que vous allez acheter toutes et tous, vous en studio, vous qui nous écoutez. Vous m'en parlez depuis 10 jours. Donc. Je sais ce que vous allez acheter. On va écouter In Excess aussi. Je le vois dans ma boule de cristal.

6h15, nous avons un très beau cadeau pour vous. Ce sera à 6h45, dans une grosse demi-heure maintenant. Vous nous appelez au 3028. C'est le tube de la brosse à dents RTL2 avec Bruce Springsteen. Avec un séjour en famille au Futuroscope, deux adultes, deux enfants. Vous avez la nuit en hôtel 3 étoiles, petit-déj, la totale. Ah, c'est cadeau, c'est pour vous. Venez vous inscrire, c'est Clara qui vous attend au standard jeu d'RTL2 3028. À séjour au Futuroscope en famille. Voici In Excess avant l'Info Expresso RTL2. You might know how. Original sin, and you might know how to play with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy. Time when I did not care, and there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Success, Original Sin sur RTL2. L'Info Expresso RTL2. Allez shopping ce matin. Oui, j'ai trouvé ça sur statista.com, mais on peut le trouver un petit peu partout. Vendredi, c'est journée shopping. On se met dans l'ambiance. J'adore. Voilà, la musique de Pretty Woman. Et on va choper parce que c'est le Black Friday vendredi. Ouais. Et que ça a pris une vraie importance, ce Black Friday. Souvent, on en parlait un peu en se disant « Oh ouais, je suis pas sûr que ça prenne ça à décoller. » Alors, c'est quoi, le Black Friday, évidemment, c'est un vendredi noir. Si, une fois que je fais la traduction, c'est le vendredi vraiment où on fait un shopping de fou parce qu'il y a des affaires incroyables. Ça a démarré, évidemment, sur les sites normalement d'informatique et de high-tech, les gros empires. Et puis, bah voilà, ça s'est généralisé sur tous les magasins. C'est devenu une sorte de semaine des discounts au mois de novembre. Ah oui, on est d'accord que c'est une semaine, parce que j'ai reçu des pushes, là, ça a commencé, quoi. Ça a commencé chez certaines enseignes depuis le début de la semaine, mais en gros, c'est vendredi vraiment, c'est à son maximum. C'est le pic. Voilà, et du 23 au 25, a priori, chez beaucoup de commerçants. Le panier moyen l'an dernier, c'était 118€ et 70% des Français qui considéraient que c'était un rendez-vous incontournable. Donc, quand même, ça veut dire que 7 Français sur 10 l'ont fait et ont dépensé 118€. C'est beaucoup. Et bien, cette année, on prévoit 200€. De budget moyen pour le Black Friday. Vous imaginez quand même, ça fait quand même c'est un beau panier. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter pendant ce Black Friday ? En première position, des articles de mode. Vous voyez, ça a un petit peu dévié de son origine. D'accord. Au départ, c'était du high-tech. Deuxième, c'est des produits high-tech et électroniques. Et après, troisième, des produits culturels, des livres, des DVD, des CD, des jeux vidéo. Voilà. Ça, c'est vraiment notre top 3 de ce qu'on va acheter. Mais alors, il y a quelque chose d'assez génial. Alors, je parle aussi à Jérém, qui est papa, tout comme moi. Pour le Black Friday, il y a une société qui s'appelle Capital Koala. Dès que vous faites un achat en ligne chez l'un de leurs 2000 partenaires, ça peut être Darty, Fnac, Boulanger, Monoprix, où vous voulez, eh bien, Capital Koala vous rembourse en moyenne 5% jusqu'à 20% de vos achats directement sur le livret épargne de vos enfants. Ah, bon plan! C'est quand même incroyable. En gros, je vous l'ai dit en une phrase, vous faites des achats et vous financez l'épargne de vos enfants en même temps. Eux, ils servent de l'argent des partenaires pour vous renverser ça sur l'épargne. Moi, si on peut faire des achats et financer sa propre épargne, là, ça m'intéresse. Tu vois, si c'est reversé sur mon livret à moi. Non, je suis encore un enfant. Ce sera pour tes futurs enfants. On vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. When you look so good, the pain in your face doesn't show. Oh, you've seen enough to know it's true.

amis, bienvenue dans le double expresso RTL 2, c'est l'heure des infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Cinquième jour de mobilisation des gilets jaunes, les blocages et les barrages filtrants doivent se poursuivre ce matin. Hier, le gouvernement a dénoncé la radicalisation et la dérive du mouvement. Depuis samedi, 530 personnes ont été blessées et 2 sont mortes. Un motard percuté par une camionnette qui tentait d'éviter un barrage dans la Drôme a succombé à ses blessures dans la soirée. Jawad Ben Daoud de retour devant la justice. Celui que l'on surnomme le logeur de Daesh comparaît. À partir d'aujourd'hui, devant la cour d'appel de Paris, il est accusé d'avoir fourni un logement à 2 des terroristes des attentats du 13 novembre 2015. En première instance, il avait été relaxé, faute de preuves. Le parquet qui avait requis 4 ans de prison avait fait appel du jugement. Ça bouge à la tête de Renault, du moins provisoirement. Le conseil d'administration a confié la direction du groupe à son numéro 2, Thierry Bolloré. Il disposera des mêmes pouvoirs que Carlos Ghosn, toujours en garde à vue au Japon pour des soupçons de fraude fiscale. Une page se tourne au Parti communiste. Fabien Roussel s'apprête à prendre les rênes du PCF. Le député du Nord a été désigné hier soir pour succéder à Pierre Laurent. Ce dernier a été désavoué par un vote des militants début octobre. La décision devrait être validée dimanche à l'occasion du 38e congrès du parti. À l'étranger, Donald Trump ne veut pas lâcher son allié. Le président américain souhaite rester un partenaire de l'Arabie Saoudite malgré le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Il affirme que cet assassinat ne remettra pas en cause la relation inébranlable entre Washington et Riyad, même si le prince héritier est lié à l'affaire. On passe au sport avec une victoire des Bleus pour leur dernier match de l'année. L'équipe de France a terminé sa saison en l'emportant 1-0 sur l'Uruguay grâce à un pénalty inscrit par Olivier Giroud. Une rencontre marquée par la blessure de Kylian Mbappé. L'attaquant s'est déboîté l'épaule lors d'une chute. Il doit subir des examens médicaux ce matin. Mais le sélectionneur Didier Deschamps s'est voulu rassurant. Et puis en tennis, pas d'inquiétude non plus pour le sort de Joe Wilfried Tsonga à 2 jours de la finale de la Coupe Davis. Hier, il a dû écourter son entraînement. Mais pour le staff, il n'y a aucun problème. On passe à la météo ce matin, à l'exception de l'Alsace où l'on attend des éclaircies. Le temps restera perturbé du nord-est au centre-est du pays jusqu'au pourtour méditerranéen. Sur l'est du Languedoc et en région PACA, les pluies seront encore soutenues, parfois orageuses sur la Côte d'Azur, même chose en Corse. Il neigera faiblement au-dessus de 1500 mètres sur le relief alpin. Sur la moitié ouest du pays, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Attention aux gelées et aux brouillards givrants ce matin. Les températures, moins 1 degré actuellement à Haguenau, 0 à Roubaix, 2 à Clermont-Ferrand, 4 à Osgore, 8 à Ouessant, 12 à Bonifacio. L'après-midi, on attend 5 degrés à Saint-Quentin, 6 à Paris, 7 à Châteauroux et Dijon et 13 à Argelès-sur-Mer. 6h33, c'est le double expresso RTL 2. Salut à tous, salut Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Dans un instant, le premier winner du jour avec toi. Et je vais vous parler du mystère du pigeon en slip à paillettes. Et il voilà. Ne s'agit pas du dernier album de Tintin, je vous assure. I close both locks below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, Linkin Park, Shadow of the Day dans le double expresso RTL 2, 6h37. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. C'était le lancement le plus improbable de l'histoire. Oui, Justine, nous allons révéler le mystère du pigeon en slip à paillettes. Je vous amène en Arizona. En fait, une femme a eu la surprise il y a quelques jours de découvrir dans sa propriété un pigeon qui portait donc un slip à paillettes. C'est incroyable. Une tenue très fashion. Ah oui. Très à la mode en tout cas. Bravo à Clo-Clo pour sa réincarnation. Le pigeon a été confié en tout cas un refuge pour animaux, selon la responsable qui continue d'ailleurs à entretenir les strass de la tenue. Ce volatile en fait a été bien élevé et très aimé, et s'il n'est pas réclamé par son propriétaire d'ici un mois, l'oiseau qui est devenu juste une grosse star sur les réseaux sociaux grâce à toutes ses photos sera adopté par une nouvelle famille. Est-ce que tu ne dis pas, parce que tu n'aimes pas parler de ça, mais tant pis, moi je peux le dire, il avait un slip à paillettes, c'était pour attraper les fientes. J'adore ce mot. Oui, mais voilà, j'ai fait exprès de ne pas dire. Oui, mais il faut bien expliquer pourquoi il avait un slip à paillettes. Non, juste pour être fashion. Non, il voulait pas être fashion, il avait pas prévu un défilé, c'était pour attraper son petit caca, bien sûr. Évidemment. Il est 6h30, ouais. Ça fait plaisir. C'est la vérité. Bon, moi j'aime bien cette histoire, j'avoue. Mais ça m'embête d'avoir les mêmes goûts vestimentaires qu'un pigeon, mais j'aime bien l'histoire quand même. Un montre. Je te vois bien arriver entre vous. Met la photo sur le Facebook du double espresso. Exactement, de Jonathan et du pigeon. Merci Jean-Louis Aubert, demain sera parfait. On vous souhaite un bon début de journée à paillettes ou pas. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te paradiner. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles. Les seuls et là ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale. Matinale. Je veux danser, je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de sera parfait, et son ancien comparse de téléphone, c'est-à-dire Louis Bertignac, sera ce soir dans le Drive RTL 2. Oh, génial! À être bien avec Mathilde et Eric. C'est bon, nous, on aura autre chose, c'est Jonathan Donnel qui sera là à 6h55 pour le Sub 3. Qui est au-dessus, on est d'accord? Non, au-dessus, t'en vas pas, c'est un autre style. On a beau t'adorer. Louis Bertignac, quand même. Non, mais le gars se croit au-dessus de téléphone. J'ai un top 3 quand même, attention. Tom Walker et puis le tube de la brosse à dents RTL 2 avec Bruce Springsteen à suivre, à tout de suite. Nocibé.

keep our hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright, but if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. Tom Walker, Leave a Light On sur RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. Bonjour Laure. Bonjour RTL2. Coucou, coucou Laure. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ah, ça va bien. Laure, oh, il est Laure, mon seigneur, de se réveiller. Oh, vous ne l'avez jamais fait, ça? Oh, bah, ça, 200 fois, j'imagine. Mais oui, normal. Bon, référence à ce film avec Louis de Funès, qui est vite, là, tout de suite. La folie des grandeurs. Il est là, mon Jonathan O'Donnell. Vous êtes à Cambès, pardon. C'est près de Bordeaux, à c'est Cambes, ça? Cambes, on dit, ouais. On dit Cambes. Ah bon, ouais, moi, j'ai toujours cru que c'était Cambès. Bah non. Parce que comme il y a Saint-Loubès à côté. Oh, il nous à fait croire qu'il est de Bordeaux, non, mais, hein, pas en du vrai, tout. Il y a plein de noms qui se terminent en S qu'on peut prononcer. Bon, vous êtes à Cambes. Autant pour moi, 106.8 le son pop rock d'RTL2. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Racontez-nous, dites tout ça. Je suis conductrice de bus. Est-ce que vous écoutez RTL2 dans le bus? Oui. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Évidemment, ça fait plaisir. Bon, écoutez, on peut vous offrir un très beau cadeau. Pour ça, vous devez découvrir la chanson chantée par Bruce Springsteen. Salut Bruce. Bonjour les pop rockers. Bonjour Laure, comment ça va? Bonjour. Est-ce que vous êtes chaud? Bah oui. Allez, on y va. Wow, yeah. Alors, Laure. Oh là là. Bah, il a presque, il a un nom presque comme moi. Ah oui, oh non, Stéphane Hessard. Oh ouais, ouais. Oh super. Alors, en même temps, Bruce a revisité un peu la chanson. C'est incroyable. Hein. Bruce, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas le tempo. Mon vibrato qui est un peu merdé. Comme on dit. Donc forcément, j'ai automatiquement dû la chanter un petit peu après. Bravo en tous les cas. On vous offre ce séjour au Futuroscope en famille. Vous allez pouvoir vous régaler. Hôtel 3 étoiles, on s'occupe de toutes les places pour le parc, évidemment. Laure, on vous souhaite une belle journée et une seule question pour vous. Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Le double espresso. tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi. Je regarde tes jambes, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, non, non, pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, non, non, pas d'autre ami comme toi. Comme toi. Je comprends mieux le monde en t'observant. J'y vois plus clair. Je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, non. J'abandonne si tu danses autour de moi. Dans le double expresso RTL 2, pas d'amis comme toi, 6h55. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL 2. Jonathan O'Donnell, c'est un ami de la famille, du coup forcément il arrive maintenant pour son top 3 de l'actu. Bonjour la famille, ça va très bien. Ça va bien. Et je vais commencer avec une info qui ne va pas vous faire très plaisir, je pense. L'administration fiscale s'est dotée d'un logiciel à 20 millions d'euros pour traquer les fraudeurs sur les réseaux sociaux. On s'en fout, on n'est pas des fraudeurs. Ouais, bon, d'accord. Mais à ce prix-là, j'espère qu'ils vont attraper le fraudeur qui leur a vendu le logiciel. Parce que 20 millions, les gars, hein, quand même. Bon. Réchauffement climatique à l'avenir. La Terre pourrait subir jusqu'à 6 catastrophes en même temps. Oh. Bon, moi, je connais ça. Hein. Quand Justine débarque chez moi avec ses copines, bah. En même temps, tout pareil. Une info insolite. Pareil avec sa meilleure amie, comme il y en a 12. Bah oui, voilà. Bon, c'est comme ça, mais on l'aime. Hein. Merci. Une info insolite pour terminer. Des ratons laveurs ivres. On se met la panique en Virginie aux États-Unis. La police les a attrapés puis relâchés dans un bois. Voilà. Donc aux États-Unis, tu peux pas acheter de l'alcool avant 21 ans. Mais pour les ratons laveurs, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois, ça marchait aussi avec Justine pour le coup. Ça t'a passé pour des ratons laveurs. C'est ma fête, c'est ma journée. Non, mais... Bah, tu sais, c'est comme c'est ça. On profite de toi, comme tu seras pas là demain et après-demain, oui. On profite. Oh. Tu vois, tu reviendras en pleine forme lundi. Shawn Mendes, Alanis Morissette et Pink sur RTL 2, à tout de suite. Et si nous avions tous la peau fragile ? Aderma est la marque de dermatologie végétale à l'avoine Realba, une plante unique issue de l'agriculture biologique française. Aujourd'hui, Aderma lance sa nouvelle huile lavante nutritive Exoméga Control. C'est pour toutes les peaux sèches ? Toutes les peaux sèches qui grattent, du nourrisson à l'adulte. L'huile Exoméga Control nettoie en douceur grâce à sa formule biodégradable riche en ingrédients d'origine naturelle. Parce que si notre peau est fragile, la nature l'est aussi. Aderma, mieux dans sa peau, même fragile.

Paris In My Blood dans le Double Expresso RTL2. Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le Double Expresso RTL2. Oui, et aujourd'hui on est mercredi, c'est le 21 novembre. Bonjour à tous, bonjour la fine équipe. Bonjour, bonjour. Alors, elle n'est pas toujours finaud de cette équipe, mais elle est quand même belle. Je vous aime très fort, évidemment. Je suis heureux de me réveiller avec vous chaque matin. Oh, on est content. En particulier avec toi, Justine, bonjour. Eh, hey, bonjour Greg, salut tout le monde. Et pas moi aussi. Non. Bon, non. Ah, mais tu sais que. Oh, mais non, non, mais vous savez, mais tu sais quoi, je vais continuer à écrire. Je vais envoyer des textos à ma femme, je vais retrouver un peu de réconfort. Oh là là, c'est vas-y, vas-y, fais ton truc pendant que et j'écris. J'ai coucou, une petite devinette à vous faire. Bien réveillé ce Il y a matin. Une des régions de France qui est classée dans le top 10 des lieux à visiter dans le monde selon quand même le Lonely Planet 2019. Bah, c'est évidemment le bassin d'Arcachon. Bah, c'est le bassin d'Arcachon, non. C'est chez moi. Bah, si. Bah, non. Bah, alors ils ont tort. Quelle région de France? C'est la Picardie. Non plus. Le Nord, j'allais dire, non? Oh, vous êtes chauvins, les gars, bah ouais. J'aime. Picardie. Bien sûr qu'on est chauvins. Et ben non. La Côte d'Azur. C'est la Normandie. Ah, d'accord. La Normandie, parce qu'entre le Mont-Saint-Michel, Giverny, les falaises d'Etretat, le moulin de Vernon, quand même, oui, la Normandie mérite bien sa 9e place. C'est 9e magnifique. Place. C'est joli, mais ça vaut pas la dune du Piave. Et la première place revient au Piémont italien. Oui, voilà. Oui, mais, bon, mais fierté bourré. Quand même pour les Normands. Non, bah bravo. Oui, c'est pas mal, bravo. C'est bien, bravo aux Normands, mais enfin bon. Bref, on va c'est pas se fâcher. C'est pas possible d'être aussi chauvin quand même. Je suis chauvine, mais quand même. Mais j'ai on tout dit pris bravo sur toi, aux tu m'as tout aussi. Appris. Voici Alanis Morissette, And in My Pocket, dans le Double Expresso RTL2. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah.

7h16, bonjour à tous. Bonjour Greg, bonjour tout le monde, on est de bonne humeur ce matin. Bah oui Justine, 32-28 pour venir jouer avec nous à la banque RTL2, ce sera à 7h45 pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Bon réveil. Would budge, 'cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I know what you think is me. 'Cause I want it all. No, I know you see that we gotta talk. No, you know we must believe or fall apart. Sur RTL2. L'info expresso RTL2. Donc c'est une... Oh non. Voilà. Arrêtez. Comme ça d'entrée de jeu. Ma fille a grandi, je l'ai plus là. Arrêtez. Bientôt 5 ans quand même, hein. La reine des neiges. Ah, déjà. Eh oui. Ah ouais. Et regarde-le avec sa musique au fond. Là. Regarde ça, il chante. Jérém, notre réalisateur, adore cette chanson. C'est pour toi, Jérém. Merci. En tout cas, donc, ça fait 5 ans, la Reine des Neiges. Déjà, le suspense, rassurez-vous, est bientôt terminé. Oui, les aventures d'Elsa, d'Anna et d'Olaf auront bien une suite. Libérée, wouh, délivrée. Je me retire de cette info expresso. J'ai décidé de me retirer de cette info expresso. Tu vois, font un mix avec ramener la coupe à la maison, là, c'est ta préférée, là. La Reine des Neiges 2 sortira donc le 20 novembre 2019 en France, avant la sortie américaine. C'est parfait pour intégrer la magie de Noël. Tout ça, c'est bien réfléchi. C'est formidable. Du côté des voix françaises, ce sera les mêmes. Anaïs Delva, Émilie Lou Homme, c'est Danny Boone. Hein, ok. On ne connaît pas encore le scénario, par contre. Eux non plus, c'est ça qui est inquiétant. On devrait avoir de nouvelles super chansons entêtantes, bien sûr, mais il faut être honnête, ça va être très très compliqué de faire mieux que... Si vous aussi voulez rejoindre le collectif des parents en colère, parce que ce matin on vous a mis cette chanson dans la tête, n'hésitez pas à envoyer un mail de protestation à justine.salmon@rtl2.fr ou directement sur la page Facebook du Double Expresso RTL. On peut faire mieux, je suis sûr, on peut avoir des chansons encore plus entêtantes. Ah non. C'est mieux quand même. C'est une mutinerie, c'est ça, c'est exactement ça. Écoutez-moi bien, les gars du Bounty, là. Ça va mal se passer pour vous. On écoute Queen et on règle ça entre nous. Time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes. Made a few. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Champions dans le Double Expresso RTL 2 à 7h25. Allez, on va se faire un petit horoscope des familles, Justine. L'horoscope de ce mercredi 21 novembre. Et on démarre avec les médailles de bronze et les balances, Greg. Vous passez beaucoup de temps à travailler, prenez l'air. Verseau. Attention, vous manquez parfois de rieur. Et les poissons. Allez au bout de vos projets, ne lâchez rien. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Vous êtes un vrai rayon de soleil pour vos proches. Gémeaux. Aujourd'hui, personne ne résiste à votre humour. Les cancers. Voilà une journée idéale pour entamer de nouveaux projets. Lion. Attendez-vous à recevoir une bonne nouvelle dans les jours à venir. Les vierges. Aujourd'hui, votre charme vous donnera un coup de pouce. Scorpion. C'est avec une bonne humeur communicative que vous entamez cette matinée. Les sagittaires. Alors, vous êtes très calme, très patient, sont de grandes qualités. Capricorne. Votre efficacité au travail sera très vite récompensée. Et puis, médaille d'or aujourd'hui pour les taureaux. C'est votre journée. Faites ce qu'il vous plaît, vous ne le regretterez pas. Commencez par écouter les Red Hot Chili Peppers, par exemple.